Le comité préparatoire pour la célébration du 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung et du 75e anniversaire de naissance du dirigeant Kim Jong-il est constitué à La Havane, Cuba. Il a décidé d'organiser des cérémonies politiques et culturelles à l'occasion de la Journée du Soleil et de la Journée de la Brillante Étoile de 2017.